Bonjour à tous et bienvenue au podcast de Thomas Dano. Coordonnateur marketing web ou spécialiste médias sociaux, quoique je vais débattre du titre bientôt chez Adviso, firme de consultants de stratégie web, ceci est mon podcast. J'ai donc vendu un peu la mèche, eh bien oui, aujourd'hui je vais parler des social media spécialistes, social media guru, social media ninja et toute la gang qui va avec. Pourquoi? Parce que Gary Vaynerchuk en a parlé lors de son entrevue avec TechCrunch et j'ai trouvé que c'est donc un sujet qui serait intéressant à parler puisque, comme vous savez, mon titre non officiel mais quasiment officiel est spécialiste médias sociaux. Donc, c'est quoi un spécialiste médias sociaux? Bien, je vais y aller avec ma définition personnelle qui est tout simplement quelqu'un qui est comme un expert en médias sociaux. Qu'est-ce qu'un expert en médias sociaux, vous allez me dire? Eh bien, c'est quelqu'un qui est souvent là-dessus, ou du moins qui sait comment l'utiliser, sans être vraiment actif sur les réseaux, il peut juste savoir comment l'utiliser. Sauf que l'un vient souvent avec l'autre. C'est quelqu'un aussi qui connaît les outils, qui connaît les stratégies, puis qui a de l'expérience là-dedans. Donc, est-ce que je me considère vraiment comme un social media spécialiste? Vous avouerez que je me considère plus comme un social media spécialiste en devenir. Maintenant, j'ai un jeu pour vous. Vous allez prendre un shooter chaque fois que je dis social media. Maintenant, si on continue sur le sujet, qu'est-ce que Gary Vaynerchuk disait, c'est qu'il y avait 99,5% des social media spécialistes qui étaient des clones. Je pense que c'est à moitié vrai. Je dirais que 99,5%, c'est quand même un nombre assez élevé. Il disait que le problème, c'est que ça faisait baisser la réputation des vrais experts. Quand il parlait des vrais experts, c'est vraiment le monde qui sont en agence depuis longtemps, qui travaillent dans le milieu depuis longtemps, qui ne sont pas juste arrivés avec la bulle. Un peu comme moi. Il faut dire par contre que je suis quand même assez un débutant dans le domaine parce que ça fait seulement un an environ que je travaille à temps plein. Par contre, je vous avouerai que je trouve ça un peu élitiste de dire 99, pardon, 0,5% des gens. C'est comme englober pas mal toute la population, sauf lui et quelques-uns de ses amis, on s'entend. Maintenant, la partie que je trouve qui dit vrai, c'est que beaucoup trop de monde pense que parce qu'ils sont capables de mettre une page Facebook en ligne puis écrire des bonnes fins de semaine à tous ou qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine, ça fait de eux des spécialistes médias sociaux. Alors que tout ce que ça fait d'eux, c'est des utilisateurs de Facebook normaux. Je vais me référer à une quote de Miss Joël qui disait au webcom que c'est pas parce que je sais poser une lumière que je suis un électricien. Il faisait référence aux agences qui engagent des jeunes de 21 ans parce qu'ils sont toujours sur Facebook. Tu sais, c'est pas parce que tu es toujours sur Facebook que tu sais vraiment comment ça marche, que tu sais ce que tu faut dire, que tu peux cibler le bon public cible, que tu connais l'outil, etc., etc. C'est comme si je disais que j'étais champion olympique de poids parce que je lève des poids de 45 livres. Elle va dire, c'est pas vrai, je lève pas des poids de 45 livres, je le vois. Donc, s'il y en a qui s'attendent que je leur dise qu'il existe une formule magique ou une formule mathématique pour savoir différencier un vrai social media spécialiste d'un faux, malheureusement, non. Je vous avouerai que, malheureusement encore, vous allez devoir vous servir de votre logique si vous voulez vraiment considérer quelqu'un comme un vrai expert ou un faux expert. Le problème, souvent, je vous avouerai, c'est que c'est facile pour moi de dire utilisez votre vraie logique, alors que souvent les clients, quand ils veulent trouver un spécialiste médias sociaux, ben, ils savent pas vraiment par où commencer, ils savent pas par où chercher, ils savent pas qui prendre parce qu'ils savent pas, encore une fois, sur quoi se baser. Donc, quand tu sais pas sur quoi se baser, à part croire le monde en vrai, je veux dire, s'il est marqué sur sa carte d'affaires, c'est parce que ça doit être vrai. De plus, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de standard en tant que tel pour le métier, que c'est un milieu, pardon, qui est tout le temps en développement, qui est tout le temps en changement, les entreprises, comme pas savoir où donner de la tête, pas savoir quoi vraiment regarder, c'est dans les CV, pas savoir qui analyser, quoi analyser, c'est comme, c'est normal qu'ils se perdent. Je veux dire, même moi, si j'avais engagé un social media spécialiste, comme j'aime bien dire, à part regarder si la personne est gentille et logique, je savais pas vraiment regarder. Sauf on s'entend peut-être son profil Facebook, son compte Twitter ou toutes les autres choses de médias sociaux. Mais encore, pardon, est-ce qu'on juge quelqu'un par sa capacité à créer du contenu alors qu'on parle de stratégie médias sociaux? C'est ça la vraie question. Parce que quelqu'un est capable de faire des bons Photoshop ou créer des images drôles et créer des citations drôles, que ça fait quelqu'un un bon gestionnaire de communauté. T'sais, ça veut juste dire que la personne a des bonnes idées créatives. Donc là-dedans, c'est où qu'il faut se situer, c'est quoi qu'il faut croire, c'est quoi qu'il faut ne pas croire. Je pense que ça reste tout simplement une question de jugement. Puis est-ce que c'est vraiment le temps qui va tout dicter comment, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, ben, ça reste encore un autre questionnement, encore. Mais je vous avouerai que ça fait quoi, 4 ans que Facebook existe? C'est-à-dire que ça a pris combien de temps avant que les chaînes de montage existent, avant que des gens puissent se dire qu'ils sont spécialistes? Alors, j'en ai aucune idée. C'est beaucoup gros, mais bon. J'essaie de pas mélanger dans tout ce que je dis, mais je pense que je vais arrêter ça là pour cette semaine. Donc, pour vous, s'il y en a qui veulent poursuivre la discussion, eh bien, je vous encourage à dire en commentaire ou même me parler en vrai, me Facebook chatter ça, me Skype ça, n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'un social media spécialiste? Un autre tuteur de plus. Eh bien, au final, je dirais juste que c'est un titre comme un autre et comme n'importe quel titre, il faut toujours faire attention. Sur ce, bonne semaine.